Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord, au 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous. L'électricité n'est pas un jeu. Confiez le travail à des pros. Les électriciens du Nord de l'Ascension, 418-347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs ou usagers. Les électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux Jeux du Québec qui se déroulent à Alma et souhaitent la meilleure des chances aux athlètes et fiers de commanditer le reportage en provenance d'Alma. On va parler des Jeux du Québec avec notre ami Camille Girard qui est au Jeux du Québec. Si j'ai bien vu, je suis allé voir sur le site Facebook du regroupement Sport et Loisirs, la région a obtenu le nombre de médailles qu'on s'était donné. Quoi qu'il en soit, on parle avec notre collaboratrice là-bas, Camille Girard. Bonjour Camille. Oui, bonjour. Camille, effectivement, je me trompe pas en disant que la région a récolté encore plusieurs médailles aujourd'hui. Non, effectivement, vous ne vous trompez pas. On est maintenant rendu, comme vous l'avez dit, à 25 médailles, ce qui était notre objectif, dont 3 médailles de plus qui s'ajoutent au judo, puis une médaille en haltérophilie, qui est notre première là, pour ce qui est l'haltérophilie. OK. Donc, en judo, c'est quoi? C'est Xavier Perron qui a remporté sa médaille d'or, c'est ça? Oui, il y en a une pour Xavier. Sinon, le reste, il y a il y a Renaud Lapointe et Félix Côté. OK. Émilie Simard, en tant qu'à elle, est-ce qu'elle a gagné, Émilie? Je suis en train de voir ça. Oui, c'est une bonne question. En fait, je ne l'ai pas inscrit dans mon tableau, donc je crois être non. OK, OK. Ensuite de ça... Je pense qu'elle est quatrième de son... seulement elle termine alors au quatrième rang là, de sa catégorie, pour ce qui est de la catégorie 63 kg. OK. Au hockey, comment ça allait? Je sais que l'équipe est en action. Oui, donc ils ont gagné la partie, donc ils vont jouer demain à 11h au Centre Mario-Tremblay. OK. Puis là, comment ça marche eux autres? Est-ce qu'ils ont des chances de... d'aller dans le tableau des médailles? Non, malheureusement, demain, dans le fond, ils vont jouer leur dernière partie pour savoir la position à laquelle ils seront. Donc, si on suit à ce qu'ils jouent vers 11h, ils vont jouer probablement là, pour la 12e ou pour la 11e position. OK, donc, c'est à quelque part, c'est un petit peu décevant. Si on y allait maintenant, donc, au tableau des médailles, si 25 médailles, c'est exceptionnel. Et donc, vous avez 10 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 5 de bronze, c'est ça? Oui, ça ressemble à ça. OK. Qu'est-ce qu'il faut surveiller ce soir? En fait, ce soir, c'est la boxe qui commence, mais je vous dirais que ça commence plus demain, les compétitions. Je pense qu'on en a seulement qu'un qui compétitionne aujourd'hui. Puis, ça va ressembler à ça, parce que sinon, par exemple, le ski alpin a été annulé aujourd'hui en raison de la température. Puis, les autres disciplines là, se terminent quand même assez tôt pendant la journée. Là. Évidemment, c'est une des plus grosses tempêtes qu'on a eues depuis plusieurs années. Donc, est-ce que ça ennuie beaucoup aux différentes compétitions? Mais en fait, c'est juste le ski alpin, là, comme je viens de vous dire, là, qui a été annulé parce que les autres, sinon, ça se déroulait quand même très bien. Mais étant donné que le ski alpin, c'est en montagne, puis c'est des épreuves de vitesse, c'est évidemment pas adéquat pour la compétition. OK. Donc, on s'en reparle demain, Camille? Oui. Voilà, Camille Girard en direct d'Alma pour les Jeux du Québec.